Nous allons revenir à ce passé, mais pour l'instant, je voudrais vous parler d'un autre passé, un passé sans plongeoir, sans haber, hein, un passé simple. Mais partons d'abord de votre langue, du français. En français aussi, on a ces deux temps du passé. Le passé composé, hein, par exemple, il l'a acheté, nous l'avons acheté, etc. Et le passé simple, il acheta, nous l'achetâmes. Hein, seulement que, voilà, hein, est-ce que vous entendez souvent dire nous l'achetâmes? Non. Non, hein, effectivement. Hein. Par exemple, qu'est-ce que vous diriez normalement à la place de nous l'achetâmes? Hein, nous l'achetâmes à Séville. Nous l'avons acheté à Séville? Oui, c'est ça. Hein, c'est ce que vous diriez normalement. Parce que le passé simple en français n'est pratiquement plus utilisé. Et à la place, on emploie le passé composé. Donc, en français, au lieu de nous l'achetâmes, on dit habituellement nous l'avons acheté. La différence entre les deux temps s'est perdue. En espagnol, au contraire, on conserve bien les deux temps du passé, celui avec plongeoir et celui sans plongeoir. Et chacun des deux a un emploi bien précis. C'est pour ça qu'en espagnol, il faut connaître les deux passés, même si en français, on les traduira généralement par le même temps, par le passé composé. Alors, quelle est la différence essentielle entre ces deux passés? Je vais vous l'expliquer. La différence essentielle entre ces deux passés, c'est que l'un s'emploie si l'action dont on parle a lieu dans un intervalle de temps qui dure jusqu'au moment présent, alors que ce n'est pas le cas de l'autre. Et c'est précisément cette distinction qu'on a perdue en français. Alors, par exemple, en français, si on est samedi au moment où je parle d'un achat que je fais lundi, je peux dire je l'ai acheté cette semaine ou je l'ai acheté lundi. Dans les deux cas, j'utilise le passé composé puisque le passé simple ne s'emploie plus. En espagnol, au contraire, je vais faire la différence parce que cette semaine, c'est un intervalle de temps qui n'est pas terminé, qui se poursuit dans le présent, tandis que lundi, c'est un moment du passé qui est révolu, hein, qui s'est déjà écoulé, puisque on est samedi aujourd'hui. Alors, pour dire je l'ai acheté cette semaine, vu que cette semaine n'est pas terminée au moment où je parle, je vais avoir recours au plongeoir. Donc, Lo he comprado esta semana. tout à fait. Hein? Lo he comprado esta semana. Cette semaine n'est pas terminée, alors on monte sur le plongeoir, hein, et on plonge. Comprado. Lo he comprado. Lo he comprado esta semana. Par contre, pour dire je l'ai acheté lundi, là, je vais utiliser l'autre passé, sans plongeoir, hein, la forme simple du passé, lo compré, parce que on n'est plus lundi, mais samedi. Hein. Lundi, c'est du passé révolu, déjà écoulé. Vous comprenez la différence? Oui. Alors, de la même manière, pour dire j'ai parlé avec lui, en faisant référence à un point déterminé du passé, qui ne se poursuit pas jusque dans le présent, donc, sans plongeoir, on dira en espagnol, hablé, hein, hablé con él. J'ai parlé avec lui. On accentue la dernière syllabe. Hein, donc, c'est tout simplement hablé. Hein, la terminaison est e. E, accent aigu. Et c'est le cas pour tous les verbes en ar. Alors, prenons par exemple le verbe tomar. Comment direz-vous je l'ai pris? Sans plongeoir. Tomé. Tomé. Hein? Lo tomé. D'accord. Et de la même manière, j'ai appelé, au passé sans plongeoir, se dira. Liamé. C'est ça, llamé. J'ai accepté, hein, du verbe aceptar, avec un seul C. Au passé sans plongeoir, ça donne. C'est accepté. Bien, accepté. Et je ne l'ai pas accepté. Toujours sans plongeoir. Nolo accepté. Non l'ai accepté. Hein? D'accord. No lo acepté. Et je l'ai acheté sans plongeoir. Lo compraré. Non. Si vous dites lo compraré, hein, lo compraré, ce n'est pas du passé, ça. C'est quel temps? Ah oui, oui, c'est du futur. Oui, bien sûr. Hein, lo compraré, je l'achèterai. Comme hablaré ou comeré. Hein. Ça, c'est du futur, puisque on part de l'infinitif comprar. Hein, donc, au futur, compraré, j'achèterai. Alors que je l'ai acheté, au passé sans plongeoir, ça sera tout simplement... Lo compré. C'est ça, lo compré. Hein? Le R, ici, n'a rien à voir avec le futur. Hein? Il fait partie de la racine compre, hein? Du verbe comprar. Alors, comment dit-on attendre? Esperar. Esperar. Hein? Aha. Là encore, le premier R fait partie de la racine du verbe. Esper. Donc, si vous vouliez dire « j'ai attendu » au passé sans plongeoir, ça sera espérer. Espérer. Hmm? Tandis que j'attendrai au futur, c'est espérare. Espérare. Hein? Donc, vous voyez comme il est important de distinguer les deux formes. Alors, pour la forme du passé, on insiste sur la dernière syllabe. Donc, avec le je, on insiste à l'oral sur la terminaison e. E accent aigu. Et avec il, elle, ça ou usted, c'est un O sur lequel on doit insister. Donc, la terminaison est un O accent aigu. Alors, encore une fois, j'ai parlé au passé sans plongeoir. Hablé. Au passé sans plongeoir, on accentue la dernière syllabe. Ah oui, hablé. Hablé, hein? J'ai parlé. Et il ou elle a parlé. Ou vous, usted, hein, vous avez parlé, hein, toujours sans plongeoir. Hablo. Hablo. Hein, hablo. Donc, vous voyez qu'il est important de faire la distinction entre hablo, qui est du passé, et hablo, qui veut dire... Je parle. Je parle, tout à fait. Hablo, hein, je parle. Là, on est au présent. Et donc, on accentue l'avant-dernière syllabe. Hablo, hein, je parle, à ne pas confondre avec hablo, hein, il ou elle a parlé, ou vous, hein, usted, avez parlé, hablo, qui est la forme simple du passé, hein, le passé sans plongeoir.